100$ pour un fromage. T'es-tu malade? Moi qui pensais qu'il y avait juste les vaches de folle, me suis bien rendu compte, les épiciers sont aussi fous. Le prix du fromage aujourd'hui, j'en ai ras-le-bol. C'est rendu qu'un morceau de prix, c'est plus cher qu'un steak de caribou. 100$ pour un fromage, j'ai pas l'argent, c'est bien dommage. Tant qu'à ça, j'aimerais mieux m'acheter pour 100$ de Kentucky. Même si je le sais, je vais dégueuler, c'est pas du poulet, c'est du gras trempé dans le cornwash. Cornstarch. Ok, je dis adieu à ma santé, mais au moins je paye pas 100$ pour ta piste de vache. 100$ pour un fromage, j'ai pas l'argent, c'est bien dommage. Avec autant d'argent, je pourrais me payer un voyage au Saguenay. Personne, pis que la saison des bleuets est déjà passée. J'aime mieux être là à pas me faire de fun que de payer 100$ sur un fromage.